As I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Salutations à tous et bienvenue à ce 88e rendez-vous, le Subversion, en ce 23 juin 2017. Je suis Sylvain Latour, alias DJ Tower of Death, qui vous accompagnera pour la prochaine heure et demie pour ce spécial Obscure Quebec Metal, à l'intérieur, dans le cadre plutôt d'un autre Metal for Breakfast, en compagnie de notre ami Mike TMG, avec lequel on s'est réunis afin de vous passer 9 autres formations obscures du métal québécois. Je dis autre puisque l'année dernière, c'est-à-dire dans l'épisode 40 du 24 juin 2016, on vous avait présenté un marathon 150 minutes littéralement avec des formations telles que DDT, Voivod, The Affected, Death Dealer, Barf, Foreshadow, Decay Remains, Lankmar, Terra Mobile, Necrotic Mutation, Cremains, Groovy Aardvark, Disembarkation, Nihilistic, Mass Refractors, TFU, Necromortis, Mon Oncle Serge Anonymous, en plus d'entrevues avec Dominique Forest-Lapointe et Dan Mongrain de Voivod en tournée. Alors, tout ça, vous pouvez retrouver ça dans l'épisode 40, disponible sur archive.org. Vous tapez les mots-clés Subversion Metal. Vous allez trouver ça en quelque part, certain. Alors, cette année, on a décidé de passer 9 autres formations plutôt obscures dans le métal québécois. Et pour ce faire, on s'est réunis, comme le veut la tradition, dans un autre restaurant. Et cette fois-ci, aux Galeries de Rive-Nord, à l'est de Repentigny. Alors, transportons-nous maintenant vers cette cathédrale de consommation, comme je le dis souvent dans l'épisode, pour ce Metal for Breakfast avec Mike TMG. Que les artworks sur les tapes sont vraiment trop horrifiants pour la moyenne ces marmots, hein, c'est une nouvelle génération. Ils vont apprendre de la façon dure. On a pris une main, mais ils vont apprendre de la main. On a survécu, on est encore là, ils vont survivre et tout. Puis s'ils ne survivent pas, tout bad. Un de moins, t'sais. On est le strong survivor. Tu sais, Calvin. Qui nous envahissent dans cette cathédrale alimentaire, hein? pour oui, parce qu'on s'y trouve pour ce Metal for Breakfast édition du 23 juin 2017 pour la Saint-Jean. Oui, spécial Québec Metal encore une fois avec notre ami Mike TNG, que vous connaissez déjà sûrement, puisqu'il en est à son 10e Metal for Breakfast. Salut Mike. Bonjour, chers auditeurs. Vous allez bien? Oui. Ah, le train, vilain pingouin. Oh, oh. Oui, spécial Québec Metal encore une fois pour la Saint-Jean, comme on avait fait l'année dernière. On s'était réunis à Place Versailles à ce moment-là. Hmm. Puis il y a plein de... On avait fait un épisode monstrueux là, de 2h30 minutes avec... il y avait tellement de bandes. Il y avait quoi? Il y avait Foreshadow. Je pense là-dedans, il y avait... Nicky Remains, Necromorphosis. Ouais. Il y avait... The Affected, Sadistic Vision, Voivod. Je pense qu'il y avait Voivod. Je pense qu'il y avait Heretic aussi, ou Satanais. Ouais, puis Voivod aussi. Oui, oui. Je pense qu'il y avait le groupe de Jonquin. Il y avait des entrevues avec Dan Mongrain, justement, à l'intérieur de cette émission-là. Et Dominique Forest-Lapointe. Ouais, puis les groupes Iron Gang, là, choses. Là, ouais. DDT également, Death Dealer. Et autres. Oblivion, probablement aussi. Bref. Et pour cette édition, on a décidé d'y aller avec des formations un peu plus obscures du côté du Québec Metal. Hein. On a réuni plutôt plusieurs cassettes et on a sorti tellement de tapes avec des artworks, comme je disais, offensants et tout ça, que la sécurité est vraiment intervenue ce coup-là ici. Musclé, de façon musclée même. Oui, ben bon, musclé, c'était quand même... Il y avait la main gauche sur son taser puis ouais. Il nous regardait avec des oui, yeux. Oui, oui. Ben, il est imposant, mais en même temps, cordial, je dirais. Oui, et ouais. Très douillet, oui, aussi. Bref, oui, il s'est demandé que je fais les boys. Ouais. Prendre des photos, on prend des photos. Ouais, ben, ouais, photos, ça. Non, du vieux public. Monsieur, c'est juste des cassettes, là. Bref, légère... Ouais. Et là, il faut... Oui, mais notre display commençait à être... massif? D'envergure, mettons. Oui. Ouais. Ouais. Peut-être que ça commençait à déranger les usagers de Ouais, il faut savoir qu'il y a peut-être une cinquantaine de cassettes, là, fait que c'est ça. Mais bon, on a bien le droit, là, c'est notre scène. Ça veut dire qu'on n'a pas plus ou moins le droit de plugger l'endroit où on est. Mm. Mais on est sur la rive nord de Repentigny, fait que ça peut donner un bon indice. Alors aujourd'hui, beaucoup d'obscurité à vous présenter. On va dire que c'est du Dark Throne? Non, même pas. premier bloc de deux pièces, on va entendre Vensor, un groupe de la Chine, qui faisait dans le Evil Metal, hein. Metal quand même pas mal inspiré de, je dirais, de Possessed, Celtic Frost, Destruction, des trucs comme ça. Oh. Et un peu dans la lignée, je dirais, des premiers bands du Brésil là, qui ont sorti, les Sarcophago, Sepultura, qui d'autre qui était sur Kogomolo Records, là, Mutilator, des groupes comme ça. Sex Trash aussi. Oui, probablement. Bref, un groupe de la Chine pas mal obscur, hein. J'ai jamais eu le tape physique. Le Trash Till Dead démo 87. Sauf qu'un des frères Brodeur qui figure dans cette formation m'avait envoyé une couple d'années les fichiers intégrales, sinon en format compressé, de ce fameux démo. Alors, quand on parle des frères Brodeur, on parle de. Ça, c'est un peu comme les Rougeaux, mais dans le Trash. Hein? C'était pas les. OK, c'est ça, oui. C'est parce qu'il portait pas le vrai nom sur la tape. Hein. Il s'appelait Mike Otrus et Marc Otrus. On parle de Marc Brodeur et Luc Brodeur ici, respectivement, à la batterie et à la guitare et voix. Alors, c'est Marc qui m'avait envoyé des fichiers en question de Marc Brodeur. Et en compagnie de Yves Rassette à la basse. Et c'est un trio, finalement, hein? Vensor. Alors, première fois que j'avais entendu parler de ça, c'était dans le magazine Pop Rock, là, dans les derniers temps. Je pense que Ronald McGregor avait souligné l'existence de cette formation de la Chine. Et puis, ça a circulé dans l'underground. On n'a pas entendu parler à outrance non plus. Et puis, c'était un groupe obscur, vraiment dans le sens également artistique. Mais il y avait quelques excès, quelques écarts de conduite, je dirais, avec des titres comme Fuck You et Sex Maniacs, qui n'étaient pas très... Inverted Cross Metal, mettons. Bref, c'est ça, on va entendre Vensor, une pièce de sa démo, c'est ça, Black Cross. T'es quoi de ton côté, Mike? T'as choisi la formation Eudoxis particulièrement, et tu as une cassette devant toi, d'ailleurs. Oui, Eudoxis, le deuxième album, Hope and Fire, le premier album s'appelait Metal Fix, qui était un single, je crois. Ouais. Un 7-inch de deux tunes, avec la tune Metal Fix, puis la tune Cross, quelque chose. Bref, on a l'album ici, Open Fire, 1990, en été 90. Je l'ai choisi parce qu'il fallait que je choisisse quelque chose. Mais pour moi, personnellement, c'est parce que c'est mon premier spectacle de groupe indépendant que j'ai vu en été 90, en juin, je me souviens bien. Je voulais regarder dans ma liste. Et puis voilà, bon, ben, c'est du trash progressif à l'américaine. Et puis, c'est très bien produit pour un groupe indépendant et surtout pour cette date-là. Ce qui est le fun dans Eudoxis, bon, visuellement parlant, quand tu regardes la pochette, c'est pas si pire, mais à l'intérieur, tu as le drum avec les bass drums de 4 pieds de long. C'est vraiment des bass drums de 4 pieds de long. Qui a fait leur marque, d'ailleurs. Ouais, c'était comme un peu leur, leur unsung hero ou leur mascotte non officielle. Ouais. Alors, je me rappelle, parenthèse comme ça, je me rappelle dans les années 80, avant eux, il y avait Crypt, une formation qui était très active dans le circuit des bars, dans les arénas, dans les parties, justement. Sword était venu avec. Ben, les Stormbringers, les Sailwinder aussi. Après, ces bandes-là sont venus une ou deux fois avec Crypt. Et ça m'avait frappé justement les bass drums de façon que c'était avec des 45 gallons. Et là, on dirait qu'ils ont pris 3 45 c'est... gallons de long, c'est pour faire ce. Non, mettons deux, là. Mettons deux. Ouais. Mais c'est quand même assez spécial à voir. Ça a été recouvert de titanium, cette affaire-là. Ouais. Fait que de l'album Open Fire qui est sorti en cassette et en CD et peut-être même en long jeu, on va écouter la pièce Tormented We Fall. 91, on s'est trompé, c'est en 91, pas 90, c'est 91. Alors on va entendre Vensor et Eudoxis dans ce bloc qui est plein d'autres belles sélections exclusives comme ça. C'est bien chanceux les auditeurs de Subversion sur Underground Québec Radio. Close their eyes, others have not recognized the ones who have faced it the most. Bonjour, ici le créditiste Réal Caouette. Comme disent quelques proverbes orientaux, les politiciens sont les musiciens de l'art. Place à la musique. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. Même si on est pauvre, en piastres, on peut être riche quand même en couleur. Avez-vous vu le gala artiste hier à la télévision? Maudit que c'était plate! Toujours la même petite gang des mêmes artistes qui s'admirent entre eux et qu'on nous ordonne d'aimer. Now the world is gone, I'm just one. Même Jeannette Bertrand. Oh God help me, hold my breath as I wish for death. Ciel! Oh please God help me. Le programme du prochain Rockfest de Montebello, c'est un festival heavy metal. Qui était l'animateur? C'était Simon Durivage. On n'y connaissait pas ce côté heavy metal. Hard rock. On a confirmé la participation de nul autre que Jérémy Gabriel. Comment ça se fait? C'est des gens qui se croient tout permis, même attitude que les colons en BMW. J'ai le droit de pas respecter le code de la route. J'ai payé cher mon véhicule. Cross! non entendre ce trio infernal de la Chine, hein, parce que nous sommes dans cette cathédrale de consommation de Repentigny, et au risque de terroriser une certaine génération qui sont en train de s'approvisionner alimentairement dans les différentes institutions attitrées à cela. Et autres marmots qu'on voit passer des fois dans un espèce de train infernal, mec. Bref. Oui, je parlais de ce trio de la Chine, oui. Les frères Brodeur avec Yves Rassette. On a entendu la pièce Black Cross, c'est des mots Trash Till Death, qui est paru en 1987. Et juste avant, You Exist, avec la chanson Tormented We Fall, choix de Mike, de l'album Open Fire de 1991. Et formation que tu disais que tu as vu en concert, c'était au mois de juin. En juin 91. OK. D'accord. Et ce fut mémorable. Mémorable parce que c'est mon premier, mais mémorable parce qu'il n'y avait pas grand monde. On était peut-être une trentaine, fait que ouais. C'est pas fantastique. C'était où ce show-là? Dans une salle communautaire au coin de Jean Talon et genre à côté de Saint-Denis. Là. Pas Saint-Denis, Saint-Hubert, je veux dire. Je pense que c'est le 999 rue Jean Talon Est. Okay. Anyway, c'est pas une salle. C'est une salle communautaire, c'est pour faire des musiques. C'est pas pour faire de la musique, là. Ouais. Fait qu'il y avait des soirées de danse et jouer, tireuse de cartes et jouer de bingo. Fait qu'il y avait un spectacle de Eudoxis ce soir-là en juin 91. Hey, okay. Même musique, les aujourd'hui. C'est avec le vocaliste Sotiri Papa Phyllis. Oui, je pense qu'il est d'origine grecque, lui. Oui, moi, je pense bien. D'ailleurs, lui qui est pas mal actif sur scène avec différents bands hommages, que ce soit Offenbach ou Black Sabbath. Hein? Toujours actif. Je pense qu'il tente de réanimer la flamme de Eudoxis une fois de temps en temps, ces temps-ci. Je sais pas si quels sont leurs projets futurs, mais. Semble-t-il qu'on est nostalgique du côté de certains membres de Eudoxis. On va peut-être avoir du matériel dans le futur, sait-on jamais. On sait jamais, peut-être qu'on va voir le 27e anniversaire de Impact is Imminent. Ah non, ça c'est Exodus. C'est Exodus. Alors, album qui avait été enregistré l'été 90 à Montréal. Bon, un autre bloc de deux pièces cette fois-ci. Messiah Force, mon choix pour cette formation de Saguenay. Dont Wayne, notre ami Wayne Archibald, hein, il les a connus personnellement. Et non seulement ça, mais il les a encensés à maintes reprises. Il m'avait passé le vinyle, on l'a pas avec nous aujourd'hui. Ah! Cet album s'appelle The Last Day et qui démontre quand même un calibre impressionnant pour un band qui est si peu connu. À l'instar de Dave Dealer, qui avait vraiment... comment je peux dire? Martelé. Ils ont été vraiment imprégnés, je pense, du métal européen, hein. C'est vraiment un band de calibre quand même. Et à ce moment-là, il est avec la chanteuse Lynn Renault. Et les autres membres qui composaient cette formation, Éric Parizé, Jean-François Boucher, Bastien Deschênes, un guitariste solide, hein, avec Jean Tremblay, guitariste également. Puis, album qui avait été produit avec Claude Champagne, en compagnie de Pierre-André Tremblay, qui a déjà travaillé avec sur l'album Have a Good Time de Soothsayer, en passant. Alors, ils avaient enregistré un démo en 85 pour pondre deux ans plus tard de cet album de Last Day en 87. Oui, c'est sûr qu'on va entendre Messiah Force. Je suis convaincu que Wayne, ça avait été avec nous, il aurait eu des trucs à nous raconter par rapport à cette formation qui, comment dire, c'est un peu coincé entre le power metal, le speed metal, mais pour l'époque, en tout cas, vous pourrez le constater par vous-même, c'est quelque chose d'assez efficace dans le genre. Et on pourrait dire qu'ils font partie de cette fierté québécoise en matière de heavy metal. Oui. Et de ton côté, tu as choisi quelque chose de très obscur. Slayed Necros. Très crasse, très obscur. Et pourquoi? Et pourquoi pas? certains connaissent encore Éric Roger, qui est toujours actif avec ses poèmes, récits, aventures et autres. Ouais, ouais. Bref, en 1988, Éric était Eric, E-E-R-K, le chanteur de Slayed Necros. Ils ont fait un démo album ou mini-CD ou mini-cassette ou mini-LP. L'album Noise, que j'ai ici entre mes mains, qui doit durer genre 22 minutes, puis qui est comme 26 tonnes. Bref, c'est du grind. C'est du grind hardcore. Ça, c'est en 88. Okay. Parce que les chansons qui ont été écrites avant ça, mais c'est sorti en format physique en 88. Ouais, sur la cassette ici. Okay. Qui est une copie d'ailleurs, parce que je l'ai copié parce que mon cousin avait ça, il était. il était ami avec avec Eric. Oui. Fait que ça, c'est la cassette. Et puis, ils ont sorti un pressage limité en CDR en 2003 sur justement les productions solo vox qui appartiennent à Eric et Roger encore. Oui. Fait que tu peux dire qu'elles ont été numérisées à ce point-là. Fait que c'est du grind. C'est du grind hardcore. Fièrement de Montréal, même qui a plusieurs références à la ville en question. Ouais. Alors, c'était pour un peu brouiller les pistes. Moi je suis fan de grindcore, fait que je voulais choisir un groupe de cette catégorie-là. Donc, ouais. Il n'y avait pas beaucoup de groupes grindcore montréalais dans ce temps-là, ou même québécois, même. Fait que Sleep Necrose était mon choix. J'ai jamais vu en spectacle parce que ça peut durer très très longtemps. Ouais. Et puis, depuis ce temps-là, il n'y a pas eu de réunion, il n'y a pas eu de. Mis à part la réédition CDR qu'on a ici, d'Azard. Fait que pour les nostalgiques, Slade Necrose, la pièce When pas... It's Time to Die est certainement pas disponible au magasin en avant nous, hein? Le Toys non. R Us. Il n'est pas au Toys R Us, ouais, il n'est pas chez Discus. Non, il n'est pas chez IW, il n'est pas chez HMV, il n'est pas chez. Il n'est pas chez Distribution Consommateur, il n'est pas chez Pascal, il n'est pas chez La Maisonnée, il n'est pas chez Perrette. Il est chez Bikini Village non plus. Non plus. Je pense que j'en ai 10 copies, j'en ai une des 17, et le reste, dans le délai comme tout le monde. Parlant d'Éric Roger, avant d'y aller avec la chanson, on dit que c'est lui qui aurait écrit la chanson Le Petit Poisson. Les paroles, du moins, pas la toune, parce que c'était une toune de Damnation. Ouais, mais... Il y a des oui-dire, parce que ouais. Un ancien hardcore, ouais. Il y avait beaucoup de. Ben, il y a certainement de connexion. Fait que sûrement qu'il y a une connexion éventuelle. Ouais. Ouais. Bon, il y a sûrement eu un parti, parce que les deux formations se sont produites ensemble, sans aucun doute. Produit reposite. Oui, probablement. Avec beaucoup de bière et autres substances, probablement. Honnêtement, parce que dans ce temps-là, ça brassait énormément. Oui. Alors. On va entendre Messiah Force, mais d'abord Slade Necrose, When It's Time to Die, de 1988, du Noise Demo, c'est bien ça. Oui. Alors, choix de Mike. Toujours à Subversion sur le stream Underground Québec Radio, en direct de Repentigny. Chaîne un peu du même genre qui est gérée par un dénommé Stupid. Stupid en deux mots. Il met cette élite-là, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit économique, comme je disais, comme beaucoup de politique, hein, donc cette élite-là toujours en conflit avec nous, hein, le vrai monde. Radio-Canada, première chaîne, dit que je suis d'extrême droite. Wow! Wow! savait que ce jour-là allait arriver, mais pas maintenant. J'aurais au moins eu le plaisir dans mon existence de cracher à la gueule de tous ces salopards qui nous volent et qui nous fourrent à la planche. Croyez-moi, vous faites partie d'aucune élite et surtout pas l'élite intellectuelle. Nous ne sommes pas à l'aéroport de Dorval, nous sommes au centre d'achat à Repentigny, voyez-vous. Et nous faisons une émission de radio. Et ça, en attendant que la sécurité, le monsieur de la sécurité revienne avec du renfort. Hein. C'est pour ça qu'on se dépêche, puis ça va vite. Là, déjà, on est rendu à la moitié de l'émission. On vient d'entendre la propos. Le train vilain pingouin. Oh, OK. C'est manifestation ferroviaire ici. Ouais. Qu'est-ce que le train, il est plein. C'est qu'il s'en va. Là où la qualité n'est pas, c'est un obstacle au bas prix. Ouais, il s'en va au show de... Comment est-ce qu'elle s'appelle, Ariane Moffat? Sur le chanteuse pour enfants. Ah non, c'est... Carmen Campagne? Annie Brocoli. OK. En tout cas, bon. C'est sûrement pas pour magasiner des vinyles de groupe du Saguenay que le Messiah Force qu'on vient d'entendre avec Call from the Night de l'album The Last Day qui démontre quand même assez bien choisir plusieurs extraits sur l'album. Ils montrent assez bien leur potentiel pour l'époque quand même, ça date de 30 ans. Eux qui étaient perçus un peu comme une espèce de un matériel comparable un petit peu au Warlock avec Doro, hein. Warlock des premiers jours. Ou encore des formations comme Agent Steel, Savage Grace, Abattoir, un peu dans cette catégorie-là, si on veut. Mais, pas peu. Et Lynn Renault a été remplacée plus tard par Denis Dufour sur un démo subséquent du nom de No Hideaway. Denis? Oui, semble-t-il, pour cause de raisons de santé. Wynn, qui a très bien connu Lynn Renault, d'ailleurs, je ne sais pas quel niveau, mais celui aurait pu nous le dire. Hein. Ce qui se passe backstage, reste backstage. Ce qui se passe backstage au Saguenay, reste au Saguenay. OK. Et avant ça, on avait eu Slayhead Necros, une obscurité de la planète Montréal de la deuxième moitié des années 80. Hein. On a entendu When It's Time to Die en 1988 du démo, ou démo album, ou démo cassette, une Noise, intitulé Noise, oui. Voilà. Ouais, un choix de Mike. Il est l'heure que vous voulez sur le stream d'Underground Québec Radio, il y a toujours la subversion. Nous, on se trouve à quelque part entre Toys US et le Aldo. Ouais. Entre Mascouche et Cartierville. Et ça, sur le bord de la 40. Pas loin du fleuve. Et toujours dans la thématique Obscure Québec Metal pour la Saint-Jean 2017. Et puis... Les deux autres formations qui s'en viennent, mais là, on va tomber dans le plus brutal. Là, hein? Là on risque nos carrières, hein, ici, là, parce que et notre intégrité. Parce que là, ça va faire mal avec une formation de Rimouski, Gore Lust, et du côté de Québec, Psychic Trub. T'as sauté les oeufs, là? Non. Ah, c'est vrai! Ah, c'est vrai! Oh, et d'accord. Ça... Rewind, spoiler, le bloc d'après. Rewind. Bon. Donc, Psychic Trub de Québec et Lizard de formation obscure de... C'est Montréalais? Ah, oh, c'est Montréalais, oui. Okay, c'est de la scène hardcore montréalais. Psychic Trub, pourquoi? Mon choix a été influencé du fait que j'ai beaucoup de respect pour le band Gorgas et les membres qui ont fait partie de cette formation cherbourgoise. Et on sait que Luc Lemay, encore aujourd'hui, il prouve encore aujourd'hui avec l'édition actuelle de Gorgas. On se rend compte à quel point il a toujours eu beaucoup de rigueur. Une rigueur artistique, oui, mais il a toujours réussi à très bien s'entourer avec des musiciens d'exception quand même. Et un qui était un très bon bassiste à l'époque, que j'aimais beaucoup voir live d'ailleurs, Steve Cloutier, à la basse, oui, pour cette formation Psychic Trub de Sainte-Foy, qui en 1988 avait sorti un tape, hein? Une bobine. 91. Oui, en 91, oui. Non, ça a été fondé en 88. Pas vous induire en erreur, hein? Oui, ils ont sorti un tape en démo, en 91, qui s'appelle Bursting Demencia. Et puis, le jeu de basse, premièrement, se démarque vraiment sur cette... Il y a un petit côté groove qui était plaisant aussi dans leur espèce de trash death metal. Et c'est qu'on a retrouvé aussi avec la formation Damage. Puis, Ex-Gorgas également, qui a joué Gorgas entre 93 et 2004. Moi, je l'ai vu live la première fois, justement, en... octobre 93 au Ritz de Val-d'Or avec justement Steve Urdle dans leur rang et Steve McDonald. Steve. Ouais, c'est ça. Didier Gagnon à la batterie, Frank Burke à la voix et la guitare. C'est vraiment ça, Burke. Frank Burke. Et c'est un Belge, c'est un Suisse. qui se faisait aussi appeler Frank X, qui est un ex-Damage également. Alors, le band a été formé quand Frank Burke et Steve Cloutier sont partis de Sherbrooke, s'en allaient à Québec, pour former Psychic Trub. et qui ont laissé derrière, en laissant derrière le batteur de Damage, Stéphane Provencher, qui fait partie de Gorgas également. Bref, c'est ça qu'on va entendre sur Psychic Prop, une pièce du démo qui s'intitule Delirium Tremens. Et toi, de ton côté, Mike, tu as choisi une formation tout aussi obscure que la précédente, hein, Lizard. Oui. Et là, tu vas m'en apprendre sur Lizard parce que je ne connaissais pas du tout. Bien, ce que je vais t'apprendre, c'est que Lizard, c'est un groupe montréalais qui fait dans le trashcore, hardcore. Bref, on pensait un peu à DRI puis Early Nuclear Assault. Fait que ici, on a l'album ou mini-cassette ou long jeu ou moyen jeu qui s'appelle Invading Sickness. Nous sommes en 1991. Personnellement, Lizard, c'est pas le premier show que j'ai vu, c'est le deuxième. Mais c'est le premier mosh pit dans lequel j'ai accédé. Ils ont ouvert pour DBC au Rialto, qui était sur la rue Avenue du Parc, excusez-moi, oui. Fait que ça, c'est mon souvenir de Lizard. Fait que je me suis bien amusé, mais c'est pas fait mal, étrangement, mais bon. C'était la laveuse qui a parti pendant la deuxième, troisième tour. Je me suis dit, bon, j'essaie ça, il paraît que ça a l'air de fun. Fait que je me suis pitché dedans. Et ça fait une histoire d'amour pendant plusieurs années subséquentes. Fait que c'est mon souvenir que j'ai de Lizard. Fait que je pense qu'on sortit un seul enregistrement, c'est-à-dire celui-ci, Invading Sickness. On va écouter la pièce Out of Control, qui est la première, qui représente très bien l'album. Ben, album, ouais, c'est un album. Il y a neuf pièces, mais c'est juste 3 minutes, 2 minutes et demie. OK, il y en a une de 4 minutes 59. Mais bon, c'est quand même très, très rapide et très upbeat. Dans le groupe, musicalement parlant, on a le chanteur Costa qui était aussi membre de Blood Sausage après ou avant ou pendant. Mm-hmm. Et aussi un certain Scott Finney à la guitare qui a aussi formé le groupe Homicide après, qui était aussi faisait partie de la scène montréalaise dans le début et le milieu des années 90. Fait que plusieurs musiciens se retrouvaient autour du noyau de Lizard qui ont fait d'autres choses ensuite et ou avant. Et à noter particulièrement également, je tiens à noter, Louis Lévesque également, chez la batterie sur cette cassette, hein, lui qui a fait partie de Genesis Control, E-Force, Entropy aussi, enregistré avec Entropy dans les années 2000. Hein. Drums Bend Over, c'est lui? C'est étrange parce que j'avais Louis Lévesque comme information, mais si c'est écrit sur la cassette, c'est-tu le même album que donc j'ai ici? Invading Sickness, c'est ça. On va sortir mon démo de Homicide. J'ai un démo de Homicide. Oui, mais ça veut dire que jouer sur l'autre album, parce qu'il y a deux albums. Hein? Le démo de Homicide après ça. Drum. Ouais. Scott encore. Ah, oui. Ça serait sur le deuxième album. T'es pas là où tes sources, là? Ben, il y a. L'Internet? Oui, mais il a joué avec eux autres, il a enregistré avec eux autres, comment ça? Ah, on a un imbroglio aussi. Oui, ben oui. Alors, les auditeurs pourront, faire une enquête. Un instant, bougez pas. Démo de Homicide que j'ai dans mes mains. OK. Drum Louis Lévesque. Ah, ben oui. OK, t'étais pas si fou que ça, finalement. Okay. En quelle année? Ça doit être 93, parce que je l'ai eu en 93, ou peut-être même plus 94. Mais Homicide, c'est-tu un démo ou un album? Ça, c'est un démo, c'est un 5 tunes. OK, bon. Probablement qu'il y a. Il a donc fait partie de la formation dans la plus récente édition de la formation, probablement. Ceux qui étaient dans la scène, ben, pas montréalaise, mais la scène montréalaise, mais toutes les scènes, il y a toujours eu du co-sanguinisme. Drummer va dans telle band, guitariste va dans telle band, puis à un moment donné, ça fait un super groupe, mais tu sais, c'est parce qu'on est tous reliés d'une façon ou d'une autre. Hein. Fait que, je pense que lui, il était d'un calibre. Quand même assez haut quand même dans le genre hardcore metal ou whatever. Non mais je veux dire ce qui justifie son emprunt à multiples reprises. On a emprunté son talent à multiples reprises. Donc bon, ça va bien la sécurité, qu'est-ce qui se passe? Je vois une espèce de buggy étrange qui s'en vient vers nous. Ouais, je pense que c'est le panier à salade qui stationne. Oh, je sais pas. OK. On va y aller la musique. D'accord, OK. C'est une matraque? Non, c'est un balai. C'est bon. OK, c'est beau. C'est un balai Oscar, je pense. OK, on est safe pour tout de suite. On se dépêche, là. OK, on va écouter Psychic Shrub, mais d'abord Lizard avec la pièce Out of Control. La subversion sur Underground Québec Radio. Costa! Yeah. sur Underground Québec Radio. Si t'as le câble, pis t'as un câble de base, ou débarrasse-toi, c'est même Canal D, un moment donné, qui reste tout le temps la même marde, enlève Canal D, enlève Musique Plus, qui mange de la marde, c'est... Dans les prochaines semaines, on se pète la gueule en sortant du site, pis qu'il y a un autobus qui passe sur le corps, ce qui veut dire que l'autobus reste grave. Et on va te tromper! Et tabarnak! Qu'est-ce qui se passe, Damnation, qui revient tout à coup après je sais pas trop combien d'années de silence? Qu'est-ce qui est arrivé là? Ben, on a fait un qui est sorti, paru en 86, le premier démo, qui s'appelle Speed Anarchy. Et ensuite de cela, lui s'est promené à travers le monde. Et tabarnak! plaisant avec les Expos. Vendredi, profitez de notre journée à moitié prix. 50% de rabais sur présentation des coupons disponibles dans le Journal de Montréal. Assistez aussi à un spectacle d'avant-match avec la vedette de l'heure, Mario Pelcha. Dimanche, c'est la fête de Youpi. Jouez Hasbro pour les 15 000 premiers jeunes. Session d'autographe avec les joueurs et grande foire sur le terrain avec mascottes, maquilleurs et plus de 100 animaux. Les Expos, le show le plus hot de l'été. Toujours dans cette mission de vous divertir et de vous prémunir contre des menaces imminentes, voire... Nickelbackienne. Oui, voire un concert de Nickelback qui aurait lieu. C'est super bon, Nickelback. Canadian Tower. Ben... Tu sais que le rock, ça passe par Nickelback. Check bien les retombées radioactives que ça va avoir dans l'ouest de Montréal le 29 juin prochain. Alors on fait ça pour vous prémunir un peu de ça. Ça vous prend des antidotes, tu sais, quand même, hein? Hein, on tient à nos auditeurs. Hein? Ouvre tes œillères, Sylvain. Il y a d'autres choses que Dismember puis Carnage dans la vie. Puis Exodus. Puis Exodus. Hein. On vient d'entendre quoi, là? Psychic Trouble, hein, de Québec, avec Delirium Tremens, 1991, du démo Bursting Dementia. Featuring Steve Foutier, ex-Gorgos. Et juste avant, on a eu Lizard, de formation montréalaise, avec une pièce Out of Control qui était tirée de la cassette du nom de Invading Sickness en 91. Un choix de Mike et un souvenir d'un de ses premiers concerts. Premier match. Sur la planète Montréal. Oui, mademoiselle. Ouais. Il me semble que je voulais parler de quelque chose. Nickelback, t'as prédit d'avant? Non, c'est beau. Non, ça a rapport avec ce qui s'en vient. Forest. Oui. Deux autres formations qui là, on va être élevé. Là, OK. Là, let's go. Kill everybody. Là, on va tester vraiment les ressources les ressources de sécurité de cet gigantesque établissement qui est la Galerie Rive-Nord de Répatine. On ne pose pas l'enveloppe, on ne pose pas la boîte à mal au complet. On n'est pas supposé de plugger l'endroit. La sécurité nous avertit. C'est pas grave. OK. On salue tous leurs agents qui font un excellent travail sur cette façon. Oui. On va entendre Spasme, originaire de Val-d'Or, hein, qui s'est illustré dans la scène montréalaise fin 90, début 2000. Et Gorlost également, de Rimouski, qui ont fait pas mal de tapage aussi à la mid-90s. Hein. Pour ma part, c'est ça, j'ai choisi Spasme, évidemment, ça vient de mon coin. J'ai rencontré Mathieu Marcotte au Ritz de Val-d'Or. Je pense pas me tromper que c'est lorsque Oblivion sont venus présenter Cyber Void en 95. Mathieu était tout jeune à ce moment-là, originaire de Malartic, un village environnant de Val-d'Or. Et il commençait à parler de son groupe comme ça, il semblait être fier de ce projet-là. Et ils ont fini par aboutir d'un démo du nom de Traumatisme. Et oui, ils ont fait paraître ça en 94. Non, c'est pas vrai. En 95, oui, c'est ça. Oui, bien, la même année, finalement. Probablement que il y a des bonnes chances que... Il était en train d'enregistrer à ce moment-là quand Blévin sont venus. Le doute plane. Le doute plane. Dominique, c'était quoi ton ouais. Besoin de toi? Là. Je pense que qu'il n'était pas encore sorti ou il allait sortir. Parce qu'il faut dire que le DJ là-bas, il était assez ouvert au Ritz. Il faisait jouer des démos des fois. Exemple, quand, je sais pas... Last Breath, Link Moore ou Gorgods, c'était pas rare d'entendre des démos, les derniers enregistrements de Pierre Rimillard dans le PA, où on entendait justement le groupe Agodas, c'était Apocalyptic Fear, les affaires de même. Confusion aussi, un groupe de Val d'Or qui avait sorti un démo à ce moment-là, qui avait enregistré avec Pierre Rimillard. Et autres import, est-ce que c'est comme Cryptic Slaughter, Passes et compagnie. Ah, justement, Mike vient de sortir la cassette avec le fameux Jeff Hull en 92. Yeah, 93. Ouais, OK. C'est ça. Down of the Ritual. Hein. Ouais. Qu'on aurait pu sélectionner d'ailleurs. Il y a plein de formations qu'on aurait pu choisir. Prochain Saint-Jean. Ouais, prochain Saint-Jean. Donc, oui. Bref, on va entendre ça dans le bloc Traumatisme de Spasme. À noter que M. Lacroix, hein, Martin Lacroix, n'était pas encore dans le monde à ce moment-là. Moi, la première fois que j'ai vu Spasme, c'était avec Oblivion en 99, je ne me trompe pas, au fameux Ritz, dans un show subséquent. Et Martin était en poste à ce moment-là. On voyait vraiment le potentiel de Martin, qui a été recruté par Cryptopsy, momentanément par la suite. Mais sur le démo, c'est un nommé E.T. Fouille-moi. Fouille-moi au fond de ronde. Probablement que les natifs de Val-d'Or qui nous écoutent de ce coin-là connaissent la famille. Je sens que c'est Étienne son prénom, ouais. Que E.T., mais oui, c'était avant, avant la croix. Oui, oui. Et avec le bassiste, B.S. on se surnommait B.S., Jean-Sébastien Ouellet. Qui nous a quittés, lui, il y a une couple d'années, hein, je pense en 2004, si je ne me trompe pas, dans son cas. Il avait 35 ans, je pense. Oui, c'est ça, il avait 35 ans. Il est parti le 17 décembre en 2012. Il a participé également au projet Rostrum et avec Stéphane Soucy. Non, je pense. Oui, oui, le référent Soucy, oui. Yann Chénier, pour sûr. Lui, est arrivé plus tard dans la formation d'Espace. Moi. Alors qu'ils étaient pas mal actifs au moment du lancement de leur album qui a suivi. Donc j'oublie le nom. Moi aussi j'oublie le nom, j'ai la malice, mais il fallait que je sorte le nom. Mais ça, c'est. Quand Space m'ont déménagé à Montréal, ils sont devenus. Ils ont fait partie de la scène, puis ils avaient fait sortir, ouais. Ils ont sorti l'album en 98, ouais, 3 ans après cette cassette-là. Ouais. Fait qu'ils faisaient partie de la scène locale Montréal. Ouais. À ce point-là. Donc on va entendre une pièce de cette cassette. Et vous avez mentionné de Gore Lust, formation qui a laissé sa marque quand même. Même au-delà de la scène du Bas-Saint-Laurent. Hein? Oui, bien sûr. Ben oui, on a Gorlust ici, oui. Tiré de. Ben Gorlust ont sorti un démo, puis ça c'est le deuxième, puis comme un split avec Morkeum, un groupe de Granby. Sorti en 95. Moi j'ai connu Gorlust en été 95 aussi. J'ai fait un show en booking avec eux autres. C'est un de mes bands préférés du Québec dans le death metal. Il n'y a rien de différent. C'est juste que c'est extrêmement bon, puis c'est extrêmement bien produit, puis c'est de la brutalité. Ils ont fait un album ensuite, quelques mois plus tard, qui s'appelle Ring of Lunacy, qui a été ressorti aussi récemment par le même gars, pour pas nommer Rémi Côté, sur son nouveau label. Mais ils ont fait un nouvel album en 2014-2015. Oui. Ouais. Fait que finalement, Gorlust sont deux albums complets, un démo puis un démo split. Qu'est-ce qu'on va entendre, c'est la pièce, je sais pas le ton d'écriture, Sclerose Brain Eater, mais de la version justement du split, pas de la version du CD 95. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est juste plus cru, et j'aime ça quand c'est cru, ouais, surtout quand c'est saignant. Ouais, mais et des fois c'est intéressant d'entendre les versions antérieures, puis des fois il y a quelque chose qui a été préservé, il y a des éléments qui ont été préservés dans les versions antérieures qui sont vraiment plaisantes. Une innocence peut-être? Je sais pas trop. Une vitalité? On peut pas parler de surproduction vraiment dans, avec ces bandes-là, en ce qui est trop aux albums, sauf que parfois, il y a eu un petit peu trop de travail de polissage, malgré tout. Des fois, ça peut peut-être dénaturer quelque chose qui était vraiment, comment je pourrais dire, comme cru, comme tu as dit, vraiment efficace et pertinent au départ. Et qui aurait dû être préservé, à mon avis. Bon. C'est tout? On parlait du dernier album de 2015 qui s'intitule We Are the Undead. Mon Dieu, je l'ai dit. Oui. Et puis, à noter aussi que le batteur, Francis Marmen, c'en est un autre. Oui, lui, j'en bien des affaires. Hein. Oui, c'en est un autre que le talent, dont le talent débordait, qui était emprunté à maintes reprises. Mm-hmm. Il joue dans Spirit of Rebellion, qui est une formation actuelle de Rimouski, que j'aime beaucoup en passant. C'est sorti sur PRC Music. Ah oui, c'est vraiment efficace, ça m'a vraiment surpris. C'est une de mes belles découvertes des dernières années. Spirit of Rebellion. Oui, absolument. Et justement, on roulait en revenant de la Gaspésie, en s'allant vers Rimouski, justement, en écoutant l'album de Spirit of Rebellion. Quel concept! Ben oui! C'est quasiment. Non, mais des fois, ça donne comme ça. Et en plus de ça, en passant en avant de trois pistoles, où est déménagé qui? Un certain Rémi Côté. Ben oui, un certain Rémi. De PRC Music, le master de. Qui était New World Symphony jadis. Ouais. Master, quel jeu de mots fracassant. De PRC Music, qui nous écoute des fois le samedi matin. Hein, salut Ram, salut Steph. De sa maison de campagne. Et puis, c'est ça. Alors, Est-ce que eux aussi sont déchaînés? Je veux que Sylvain parle du cadeau que j'ai amené aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la Saint-Jean. Ben, quand vous allez écouter ça, c'est la Saint-Jean. Ça va être le 24. Bon. Là, on est le 18. Là. Bonne fête des pères à tout le monde. Bon. J'ai amené un cadeau à Sylvain parce que je l'aime beaucoup. J'ai trouvé un disque. Le deuxième album de France d'amour, l'album Déchaîné, avec le hit Vivante et le hit Mon frère. Ben, le hit, en tout cas. C'était des singles, là, mais bon. Ouais. c'est quand même la personne qu'on a ici. Je sais pas trop quoi penser de ce... De cette offrande, mon mec. C'est un beau surf d'art, là, qu'est-ce que ça, là? Regarde comment elle est belle, là. Aimes-tu les rousses? J'espère que oui, parce que elle. Ben, écoute, je remets pas en question les attributs physionomiques de la personne, mais côté mon point de vue est artistique, hein, je suis objectif, puis je sais pas quoi dire. On sent que tu marches sur des œufs là, c'est bien. Oui, parce que je sens que je pourrais contrarier la collectivité ici qui a probablement adulé cette chanteuse un peu indispensable. En tout cas, j'espère que tu vas y faire attention parce que je te l'offre et c'est pour les générations futures. Voici l'album déchaîné de Transamour. Bon. Attends, peut-être. Bon, de toute façon, je te remercie quand même, Mike, la gentillesse n'est légale qu'au bas prix. Quelque chose comme ça. Alors, mais qui n'est pas un obstacle au bas prix. Alors, allons-y avec la musique. On va entendre Spasme, Traumatisme, mais d'abord Gorlust, Sclerosed Brain Heater, de 1994. Ce split, Gorlust, Morcheum. Morcheum, qui est en passant, qui est une formation... De Magog, il est marqué ici, ouais, tu vois. Ouais, Magog. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. C'est leur Gog, c'est pas Magog, c'est leur Gog. Ouais, d'accord. Alors, Gorlust, la subversion. Sur le Rock Québec Radio, en direct du centre d'achat de répartiment. Merci, ma gang de 5, 4, 3, 2, 1. ils sont partis. La prochaine chanson. Le galop, le galop. Non, je n'irai pas au galop de la disque. J'ai croisé des gens les plus insignifiants et des chanteuses à grosses boules. Tu parles d'un hostie d'innocent, ce mononcle Serge. Me demandais au sacrement ce que je crissais dans cette foule. Ooh. Toujours en direct du Toys R Us. Non, on n'est pas vraiment au Toys R Us, on est juste devant. Cette cathédrale de consommation de... T'avais dit que tu ne dirais pas, ça fait 8 fois que tu dis cathédrale de la consommation. Je suis fatigué avec ma cathédrale, c'est vrai. Bleu. En direct du Maki Sushi Express. Ouais. c'est l'entreprise qui est la plus près de nous en ce moment. D'ailleurs, ça pourrait pas être une bonne idée pour notre prochain dîner. Oui, vous êtes toujours de ce spécial Metal for Breakfast avec notre ami Mike TNG. Spécial Obscure Québec Metal pour la Saint-Jean 2017. Saint-Jean. Les deux formations qu'on vient d'entendre, Spasme avec Traumatisme de leur démo Traumatisme de 1995. Et début de ce bloc Gore Lust avec Scleros Brain Heater de 1994 du split Gore Lust Morchium. Cassette, une autre cassette très rare que Mike possède. Un ruban. Oui, c'est un ruban. On a plusieurs rubans autour de nous. Oui, oui. Ça, c'est une cassette que j'ai achetée de leur gérant, Stéphane, je me souviens pas sur notre famille, parce que j'oublie les noms, en été 95, quand je les avais bookés au Gel House en été 95. En août 95. Ouais. 94. Ah, j'ai bien la misère. Non, c'est vraiment 94. Le 2 août 94. Je me rappelle parce que Soundgarden, il jouait à Verdun, je suis pas allé parce que c'était mon show que j'avais booké avec Gore Lust. Fait que c'est ma cassette que j'ai ici. Merci. Ouais. Justement, tu parlais de Space tantôt. C'est-tu quelque chose que tu voulais parler? Oui, je voulais aussi annoncer à tous les auditeurs, c'est-à-dire les 8 personnes présentement de Sud-Verson qui vont faire une émission spéciale sur tous les groupes dans lesquels a participé ou participera Dominique Forêt à la pointe. Ouais. Fait qu'on a une quarantaine d'entrées à date, puis on travaille là-dessus, chers collègues et admirateurs et fans invertébrés. Ouais. Ouais, c'est un peu notre Danny Nyker ou notre. Pas Terry Butler, mais c'est quoi son notre nom? James Murphy. Al Hammer. Ok, à la base, ouais, c'est notre. c'est notre Tony Joy. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est du Giorgio, en plus, ouais. Giorgio, lui, il a fait des bandes. Ouais, exactement. Avant de se quitter, je dois dire, ça peut paraître répétitif, voire même cliché, mais je voudrais te remercier pour ton implication grandiose et ta grande gentillesse d'avoir voulu participer à cette rencontre Metal for Breakfast encore une fois. C'est toujours le fun de faire ça. Merci à toi, Sylvain. Merci aussi à la grande cathédrale dans laquelle nous sommes. Oui, c'est ça. Cathédrale de consommation. Et particulièrement à la sécurité. Oui. Merci Pierre, le gars de la sécurité. Salut. Peace. Mais la prochaine fois, ce serait le fun qu'il y ait quelqu'un issu justement d'une entreprise qui nous entoure à titre de commanditaire. Ce serait le fun, tu sais, des fois, un retour, je sais pas, des sushis, des vêtements ou. Ouais, c'est pas qu'on cherche d'argent, mais c'est sûr que si le déjeuner est payé, c'est encore plus. Ben oui, c'est ça. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on est présentement, dimanche, bien sûr. C'est la fête des pères, on enregistre, mais ça va jouer le 24. On est allé au Bénéferentine de Lachenaie, pour pas le nommer, puis c'était sold out. Toutes les tables étaient réservées. J'ai réussi à avoir une table pour nous, mais bref, tout était booké. Alors on a failli arriver avec sur porte close, mais bon, on a réussi à rentrer. Mais normalement, c'est là qu'on aurait fait l'enregistrement et tout. Sauf que là, on est au centre d'achat, mais on a été bumpé finalement. Puis ceux qui ont accès à la page Facebook de Subversion, entre autres, pourront voir la fameuse photo qu'on a prise de toutes ces tapes qu'on a apportées avec nous. Juste avant d'avoir été mis en arrestation par l'agent. Ouais, c'est ça, oui. Questionné sous. On était chanceux parce qu'on était en train de serrer notre stock, tu sais. Puis il faut dire qu'on arrive ici, justement, on était bumpé ailleurs. La banquette attitrée Underground Québec était complètement bafouée. Mais on arrive ici, on arrive à une table à 18 places, un genre de table de comptoir, full concept, avec 18 sièges. C'est tout ça pour nous seuls. Incroyable. Alors, on devrait quand même remercier cet établissement qui ne veut pas se faire plugger pour des raisons de sécurité ou de paperasse administrative. De paperasse administrative. De représailles, de conflits terroristes. J'ai aucune espèce d'idée. Bref. En tout cas, ça nous concerne un peu. Bref. On l'a fait pareil. Oui. Et parlant d'anniversaire, tu parlais de la fête des frères, mais c'est aussi la fête de deux personnes assez bien connues dans la scène métal québécoise. Premièrement, Yann Campbell. Hein? Bon anniversaire, Yann. Enfin, on salue Yann et que je vais parler sûrement bientôt, puisque actuellement il est au Hellfest en France. Oui, il est chanceux. Ambassadeur officiel du Festival de la musique émergente. C'est la deuxième fois qu'il est déporté là-bas pour assister. Il va probablement voir Coroner. C'est qui joue en fait ce soir, dans quelques heures pour nous. Mais à minuit, non, c'était. Non, c'est, ah, non, c'est The Orion. C'est aujourd'hui. The Orion, c'était hier. Bon, il va y avoir Corona, chanceux. Corona, Metal Church aussi. Oui. Fait qu'on va pouvoir ça, on va pouvoir voir ça live grâce à RTV, d'ailleurs. Et on va probablement lui parler prochainement à Yann, parce que l'année passée, il nous avait fait un. Ben, quand j'étais en Abitibi, on avait pris un micro justement pour qu'il nous fasse un espèce de petit special report sur l'événement. Lui qui était un observateur quand même plutôt assidu et très chanceux. Également, à ce qu'on m'a rapporté, il est né le même jour que Yann. Ah ouais. On parle de Simon Girard, le bourreau. Deux légendes. Oui. Le même jour. Ben oui, c'est ça. Ah ben c'est ainsi. Alors, bonne fête, Simon. Puis, bonne fête, Simon. Et justement, par rapport à Simon, il va se reconnaître dans l'anecdote qu'il va suivre pour le groupe qui va suivre, puisqu'on parle de Unhuman, qui ont fait un lancement d'album au Fouf. Yuri nous disait, ah, il va y avoir un album à un moment donné, 2000-2001. Finalement, c'est ça fait 97 qu'il nous le dit, mais ouais, bon. C'est ça. Mais ça, ça a fait une espèce d'inside joke en quelque part. Mais 13 ans plus tard, finalement, l'album est arrivé. L'album éponyme Unhuman. Puis j'étais là au Fouf le 1er novembre de cette année-là. Et puis justement, Simon et Louise étaient présents et ils vendaient des sans frais, des copies du sans frais qu'il y avait encore en over, puis que, bon, qui étaient distribués à très bas prix au monde qui voulait justement se prémunir de copies qui leur manquaient dans leur collection. Alors, c'était un beau moment. J'avais même pris Simon et Louise en image à ce moment-là. Et ouais, ça avait. Ben, on était bien contents qu'il y ait un album d'Unhuman, finalement. Puis, s'ils n'ont pas raté leur coup, en tout cas, c'est une belle production. Puis, le matériel, même parmi le matériel qui était composé, mettons, comme en 99, la démo 99, justement, la pièce Newton's War, qui a été reprise cet album-là, qu'on va entendre d'ailleurs pour finir cette émission. Genre là? Oui, c'est ça, genre d'être là. Oh, c'était ça, la sécurité, ça. Non, mais ça, qu'un cellulaire. Non, ça c'est un taser, c'est pas pareil. on en a vu des constables aujourd'hui, des constables, des. Ah ouais, c'est et des gradés. Des hauts gradés. Des hauts ou bas gradés de tous les niveaux. Bref. Du Serve and Protect. Ouais, c'est ça. Du Serve and Protect in Galerie Rive-Nord. Alors, avec Yuri Raymond, guitariste vocaliste, hein, qui a laissé ses marques avec Cryptopsy, Kelitoris. Entre autres, Mathieu Bérubé, le bassiste, qui est guitariste également dans un autre band en Forest, Terra Mobile. Ah. Et Alex Duprat, batteur de Terra Mobile également. Vous avez vu au. Je t'ai posé au Metal for Breakfast de Trois-Rivières. Et là là! Non, le Metal Fest de Trois-Rivières, je pense que c'est de la même année. Il y avait beaucoup d'écho. On avait pu apprécier le talent indéniable de Yuri. Hein. Particulièrement la voix, qui utilise toutes sortes de techniques assez viscérales et tonitruantes et animales. Bref, c'est ça qu'on va entendre, Unhuman, on va entendre Mutant's War. Alors, bonne Saint-Jean à vous, les auditeurs. Et puis, Kevin Merrill. Et au lendemain de la Saint-Jean, en temps réel, nous serons à Trois-Rivières pour une rencontre déjeuner. À la brasserie Archibald là-bas, avec nos amis de la station C'est Fou, hein, la radio de l'UQTR, c'est-à-dire le Rockmaster Alain Lefebvre et le Dr. Pendragon qui animent les émissions Rock Classique et Réanimation. Alors, ça promet, et ça va être diffusé au retour de nos vacances, c'est-à-dire le 14 juillet, donc il n'y aura pas d'émission pendant deux semaines. Qu'est-ce qu'on va faire? Probablement des reprises sur Underground Québec. Et il y a toujours les podcasts sur SoundCloud. Ah, une chance que c'est là, c'est le même. Et sur archive.org, mot-clé subversion. Alors, partagez les pages Facebook et allez sur ceux qui traînent sur les pages comme Prog and Metal World Québec ou des trucs comme ça, là. Quoi d'autre? Metal Display of Power, je sais pas trop, là. Bref. Sur Altavista ou Sympatico. Ben, en tout cas, surveillez. Il y a quelques humains qui ont quand même la générosité de reposter les liens en question. Alors, ça nous a fait plaisir d'être avec vous pour ce Québec, Obscure Québec Metal Special en compagnie de Mike et MJ. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Et bonne Saint-Jean, bon été. Et long live Québec Metal. Yeah. See you again. I want you to get it.